vient d'Asie, d'Afrique, des îles du Moyen-Orient. Recherche les euros, peu importe les moyens, l'État te laisse pas mailler. Aucune marche arrière, des barrières dès l'école, en classe au fond c'était galère, mais je portais déjà cette vision. Si tu me mens ouvertement, je ne peux pas t'écouter, il me faut du rendement, il faut que ce RAP devienne en manque. Faut produire, puis écouler cette vire pour que le réseau s'alimente. Oui, les thèses de la France sont équipées. Dis-toi que s'ils sont, suit la scène, c'est maritime et illicite, édicté, indiscipliné. On vient d'ici, de la France d'en bas, goûte le nouveau millésime. Lorsque les coûts dépassent, Requiem business, en place, tu es demain et fonce du 10ème étage. Requiem business, range les fiasses. Lorsque les coûts dépassent, Requiem business, en place, tu es demain et fonce du 10ème étage.